peut aider notre auditrice, ça va ? J'espère bien, bonjour à tous. Hervé Pouchol sera le négociateur, bonjour Hervé. Bonjour Julien, bonjour à tous. Toutes les équipes d'Alain Hazard sont là, c'est parti pour 1h30, vous écoutez le 9h30-11h, l'émission qui aime ses auditeurs, qui les aide et qui négocie pour eux en direct sur RTL. Voici le message que nous a laissé Fanny sur l'antenne d'RTL. On m'a vendu une ferme avec une belle erreur d'expertise. La charpente est en très mauvais état, il y en a pour 27 000 euros. Depuis, je me retourne vers le vendeur et l'expert, mais il se renvoie la balle. C'est suite à une annonce sur Internet le 1er avril 2015 que vous souhaitez acheter une ferme et 10 hectares de terrain pour 250 000 euros. Vous contactez l'entreprise et une visite est organisée le 4 avril. Vous faites ensuite une proposition, acceptée début juin. L'entreprise vous envoie le dossier de prévente qui comporte une expertise et selon cette expertise, tout est en ordre. All is in order. Ça vous conforte. En septembre, officiellement propriétaire, vous débutez les travaux d'extérieur et un mois plus tard, au moment d'attaquer l'intérieur, l'artisan vous signale que la charpente est en mauvais état. Alors, est-ce que cette expertise, Maître Fellonneau, parce que je pense que tout va se jouer autour de ça, englober la charpente, ou est-ce qu'il pourrait nous dire « oui, mais ça ne voulait pas dire que la charpente était en bon état ». Globalement, la charpente se trouve en bon état et ne présente pas de symptômes d'affaiblissement, tant au niveau des appuis qu'en milieu de portée. Travaux à prévoir sur la charpente, néant. Voilà ce qui est écrit dans ce rapport, qui émane d'un expert vraiment très réputé. Je n'ai qu'un mot à dire, Evelyn. Passe-moi l'éponge, car ça veut dire que l'expert a été en plus mandaté par... Le vendeur ? Le vendeur fait venir un expert pour prouver que sa charpente est en bon état, et elle n'est pas en bon état. Donc là, le dossier est nickel. Donc derrière, qu'avez-vous fait, ma chère Fanny ? Vous vous êtes retournée vers le vendeur, où en êtes-vous ? Je me suis retournée contre le vendeur en octobre. Depuis, leur assurance a envoyé un expert... L'expertise m'a pas satisfait, j'ai pris un expert à mon nom et une avocate et depuis, il se passe toujours rien. Alors, qui vous a vendu cette maison ? C'est un professionnel ? Oui, un professionnel des terres agricoles. D'accord. Alors, nous allons l'appeler dans une seconde. C'est clair, c'est net, c'est précis. Oui. En plus, c'est eux-mêmes qui choisissent l'expert. On peut pas faire mieux. Julien, ouais. Ce vendeur, il est un peu particulier. C'est un spécialiste, en fait, des ventes de bâtiments et surtout d'exploitations agricoles. Il fait tout, si vous voulez, pour que les exploitations puissent être conservées. Il fait des remembrements, des choses comme ça. Donc, c'est pas du tout quelqu'un, un spéculateur, c'est pas un professionnel, c'est pas un promoteur immobilier. C'est quand même quelqu'un qui, justement, est le garant d'une certaine, d'un certain sérieux, d'une certaine honnêteté. Lui, il s'est adjoint les services d'un cabinet d'expertise qui s'est tout bonnement planté. Et donc, il faut reconnaître, il faut maintenant tirer les conséquences de cette erreur. Car sinon, jamais, jamais, vous m'entendez, jamais, elle n'aurait acheté cette ferme. La ferme auto-maudit. Dans une seconde, nous allons appeler le professionnel agricole et tenter la négociation, l'ultime négociation sur RTL. Dans le 9h30-11h, où vous pouvez nous joindre à tout moment au 3210. Courage les gars, mais il va falloir y aller après ceci. J'en profite également pour vous dire qu'à l'occasion de la tournée Folio sur mer, les éditions Folio et RTL offrent à tous les auditeurs intervenant à l'antenne une sélection de leurs meilleurs titres. Retrouvez tous les détails de la tournée Folio sur mer de la mi-juillet à la mi-août sur les plages du Morbihan et de la Méditerranée sur www.folio-site.fr. Je vous en prie, entrez. Comme je vous l'avais dit, c'est fonctionnel et très agréable à vivre. Ah oui, effectivement, et c'est charmant. Tout à fait mon style. En plus, c'est idéal pour faire vos courses en centre-ville. Et le loyer, il est charmant aussi ? 99 euros par mois. Oh, alors là, je m'y vois déjà. Nissan Micra, la citadine hyper maniable, est à partir de 99 euros par mois, sans apport, sans condition. Pour Nissan Micra Visia, 1 litre de 80 chevaux, location longue durée, 48 loyers, si accordiaque jusqu'au 31 juillet. Détails sur nissan-offre.fr. Nissan, innover autrement. Oh, le miroir, c'est pas moi ça. 10 kilos de trop. Faut vraiment que je les perde, ça ne me va pas du tout. Je me sens pas bien, j'ai plus envie de rien. C'est pas bon pour moi, je le sais, je le sens. Mais comment faire ? Écoutez Isabelle, faites comme j'aime. Vous allez perdre vos 10 kilos. C'est facile à suivre, vous recevez chez vous de vrais repas, bien équilibrés, c'est bon et aucune sensation de faim. Vous allez perdre vos 10 kilos, je vous le garantis. Appelez le 0800 507 507 et bénéficiez d'un mois gratuit. En plus, en cadeau, une ceinture vibrante amincissante. 0800 507 507, un mois gratuit. Appel gratuit depuis un fixe. Bonne nouvelle! Pour vos vacances, Costa Croisière décuple votre bonheur. Désormais, avec le tarif Total Confort, le forfait boisson et bien d'autres avantages sont inclus disponibles pour toutes nos croisières. Réservez dès maintenant. Costa, le bonheur à la puissance 2. Pour plus d'informations, consultez votre agence de voyage ou costacroisière.fr. Barbe rouge chez Monsieur Bricolage, besoin d'un coup de main. Diantre, il faut que je protège ma peau du soleil. Je viens de me faire tatouer une petite licorne. Regardez. Ah oui, c'est très viril. Pour profiter pleinement de l'été, je vous propose le parasol déporté Alto, 3 mètres de diamètre avec manivelle à 69 euros. 69 euros à l'abordage. Et je vous ai pas montré mon autre tatouage. Il est juste ici. Non, regardez, ça va. Si, je vous en prie. Non, bon. Non. Jusqu'au 23 juillet, profitez de nos prix d'été pour tous vos projets. Participants sur monsieurbricolage.fr. Petit message Peugeot en forme de première fois. Cet été, pour la première fois, profitez de 3 ans d'entretien, de garantie et d'assistance offerte sur des Peugeot suréquipés. Et comme c'est la première fois, eh bien on vous le dit une deuxième fois. La 208 style suréquipée est à partir de 149 euros par mois, après un premier loyer de 2100 euros, avec 3 ans d'entretien incluant les pièces d'usure, de garantie et d'assistance offerte. LLD 37 mois, 30 000 km sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur PeugeotWebstore.com. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Sur RTL. L'histoire démarrait tellement bien pour Fanny. Elle trouve une ferme, elle trouve un vendeur et le vendeur paye une expertise pour lui prouver que la ferme est en bon état. Elle dit, bah écoutez, c'est le bon Dieu qui vous envoie. Sauf qu'après, elle s'aperçoit que la toiture n'est pas du tout en bon état. Or, l'expertise indique bien noir sur blanc, Maître Fellono vous l'a lu tout à l'heure. Travaux néants. Travaux néants. Et aujourd'hui, ils ne veulent plus rien faire. Nous les appelons, c'est parti Marie, s'il vous plaît, on fait le numéro de cet organisme agricole qui vend des terrains et des bâtiments agricoles. J'espère que quelqu'un va nous répondre. Nous sommes dans le 31. Bonjour. Je suis à la Safer. Oui. Bonjour madame, Julien Courbet à l'appareil, c'est la radio RTL, ce n'est pas une blague. Je vous appelle car je traite ce matin, et elle est en ligne avec nous, la personne qui vous a acheté une ferme et 10 hectares, Fanny Sabatier, et qui malheureusement a un problème avec la toiture qui était annoncée sans travaux dans l'expertise que vous avez mandatée. Et apparemment elle n'est pas du tout en bon état. Allô ? Oula, là c'est la patate chaude. La madame a déclenché le clan épervier. Allô ? La pause. Oui, je vous écoute. Vous m'avez entendu, madame? Oui, pas très bien. Ça passe pas très bien. Alors, je reprends. Vous m'avez vraiment pas entendu? Vous n'avez rien compris à ce que j'ai dit? Madame? J'ai compris qu'il y avait un problème de toiture. Alors, c'est madame Fanny Sabatier. La Safer a vendu à Fanny Sabatier une ferme avec du terrain et lui a fourni une expertise comme quoi il n'y avait aucun travaux sur le toit à faire, qu'il était en très bon état. Or, à peine rentrée, elle s'est aperçue que le toit n'est pas du tout en bon état. Donc aujourd'hui, elle veut essayer de trouver un arrangement. C'est sûr que le département... Mais on va lui demander, Fanny, où se trouve cette jolie fermette? Dans le 31, à Serre. Et ça a été vendu quand, rappelez-nous, Fanny? Le 3 septembre 2015. Et quel était votre interlocuteur à la Safer? Alors directement Monsieur Bonnet, qui m'a transféré à Monsieur Roussel. Monsieur Bonnet ou Monsieur Roussel sont-ils là, s'il vous plaît, madame? Alors un instant, je regardais s'il est disponible. C'est très gentil, madame. Je vous souhaite une belle journée. Donc, vous récupérez l'appel, Hervé. Ça nous fait du bien d'entendre l'accent de Toulouse. Ah oui. Moi, ça me manque. Hein. On a passé une année formidable avec Hervé Pouchol. C'est là-bas qu'on s'est connus, à Toulouse. Ça, c'est Castanet-Tolozon. C'est juste à côté. Alors, nous allons essayer d'avoir quelqu'un. L'expert, pour l'instant, écoutez, on va attendre, puisqu'il l'a écrit noir sur blanc, ça sert à rien maintenant de lui faire répéter. Remarquez, si, il a dit que l'expertise, ça serait quand même intéressant de l'avoir. Quand même, parce que c'est quand même très bizarre. Alors, il y a une difficulté dans ce dossier, Julien, c'est que tout le monde parle de vice caché. Or, l'expert de notre témoine, n'a fait que prendre des photos. Et lui a vu. Donc peut-être qu'il a eu un œil meilleur que celui du précédent expert, mais il n'a pas gratté, il n'est pas allé. Bon, alors vice caché, on n'en est pas sûr, mais en tout cas, vice du consentement, oui, parce qu'il y a une erreur sur les qualités principales du bâtiment. C'est parti, nous appelons donc l'expert pour qu'il puisse nous donner sa version des faits, lui qui a écrit noir sur blanc, travaux sur la toiture néo. Le groupe Sartec. Sartec. Veuillez ne pas quitter. Nous allons répondre à votre appel. C'est une expression, ça. Quand on est quand on en a marre, hein, c'est ça, les chaînes, non, c'est pas ça, Corinne c'est quand Corinne Gréant, groupe Sarotec, bonjour. Bonjour Sarotec, Julien Courbet à l'appareil, oui, c'est oui. La radio RTL, ce n'est pas une blague madame. Je suis avec une auditrice qui a eu un petit souci, elle a acheté une fermette et c'est quelqu'un de chez vous, un expert de chez vous, qui a fait un rapport d'expertise comme quoi la toiture n'avait aucun travaux à prévoir, que tout allait bien. Or malheureusement c'est pas le cas, donc on voulait s'entretenir un petit peu avec le monsieur qui avait fait l'expertise. Bien sûr, vous pouvez me donner la référence du dossier, s'il vous plaît. Je crois que c'est Cédric Nicolas qui a fait... Alors, il n'est pas au bureau, monsieur. Est-ce que vous avez la possibilité de le joindre d'un petit coup de SMS, vous-même, pour qu'on puisse lui parler ? Son agenda, je vous demande un instant. D'accord. Alors, sinon, vous lui envoyez un petit texto, on vous donne le numéro et s'il peut nous rappeler, mais peut-être que madame vérifie s'il est de garde ou pas aujourd'hui. Oui, voilà, c'est ce que je regarde. D'accord. Alors, des numéros, sinon de dossiers, comme ça, vous pourrez lui sortir le dossier. S'il vous plaît. Alors, attendez, j'ai un client, c'est Safer GL, référence client, lieu dit Nesquive à Seyre, S-E-Y-R-E. Vous prenez le numéro de dossier si vous l'avez. Juste au-dessus. Ah, il est au-dessus. Numéro référence, 288-51-36. Et j'ai un petit 31, je pense, à côté. Vous regardez ? Allez, je vous attends. C'est super sympa, madame. Merci beaucoup. Hervé, deuxième appel que vous récupérez. On attend que quelqu'un nous parle à la Safer. On attend que quelqu'un nous parle à la Sartec. Nous allons donc attendre encore un petit peu Fanny. Quelle assurance pourrait jouer dans ces cas-là, maître Fellonneau ? Alors, c'est l'assurance de l'expert qui s'est trompé, si jamais effectivement l'assurance et cet expert reconnaissent cette erreur. Ouais. Donc effectivement, c'est une question de faute professionnelle, c'est bête comme chou, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de volontaire, il n'y a rien de malhonnête. On peut se tromper comme tout à chacun, mais il faut supporter le poids et les conséquences de cette faute. Vous connaissez l'alerte, écoutez-la. Dès que vous entendrez ceci, ça veut dire qu'on n'a qu'un interlocuteur qui va intervenir sur ce dossier. Pendant ce temps-là, en parallèle, sur RTL, dans le 9h30-11h, nous allons lancer un deuxième cas. J'ai acheté un canapé d'intérieur, je l'ai payé 4 790 €. Le canapé principal présente un défaut. Le service après-vente est déjà venu à deux reprises pour le réparer, mais le défaut est réapparu. Depuis, je n'ai plus de nouvelles du vendeur. Ça va se passer sur RTL dans quelques instants. Vous restez avec nous, ladies and gentlemen, car maintenant, nous allons nous faire un petit plaisir et nous allons écouter eh bien le Kiss, l'hymne bien sûr, de tous les supporters de l'Euro. I was made for loving you sur RTL. It all to you. des supporters, l'hymne des supporters de l'Euro, Kiss, I was made for loving you. Une alerte à l'instant, c'est sur le cas de la fermette et de la toiture. Nous avons quelqu'un, s'il vous plaît, Hervé Pouchol. Oui, nous avons le directeur de la Haute-Garonne de la SAFER. Il est en ligne. C'est Monsieur Roussel, apparemment. Oui, bonjour, absolument. Monsieur Roussel. Oui, bonjour, monsieur. Monsieur Roussel, Julien Courbet à l'appareil. Donc, Monsieur Roussel, est-ce que vous êtes un petit peu au courant ou pas du tout de notre affaire? Oui, oui, je suis un petit peu au courant, oui. Bon, voilà, elle a acheté une fermette, vous lui avez vendu, vous lui avez très professionnellement, et c'est assez rare, fourni une expertise qui l'a rassuré dans son achat, stipulant que la maison n'avait rien, mais surtout la toiture, aucun travaux à prévoir. Or, quelqu'un est monté sur le toit et s'est aperçu que c'était pas du tout le cas. Donc aujourd'hui, c'est normal, elle dit il faut qu'on trouve un accord, parce que je n'aurais peut-être pas acheté cette maison si la toiture avait été dans cet état. Tout à fait. C'est pas exactement la toiture, mais il y a un problème au niveau d'une poutre. C'est la charpente. La charpente, pardon. J'ai dit la toiture, c'est la charpente, voilà. Alors, comment on peut avancer, monsieur? Alors, justement, d'ailleurs, je l'ai eu au téléphone. Si elle est à côté de vous, elle vous le confirmera. Oui. On doit aborder ce sujet cet après-midi au niveau de la direction générale. D'accord. Bon, ben c'est parfait. Est-ce que vous étiez au courant, et revenir vers elle très, très rapidement pour avancer. Alors, Fanny, ceci étant dit, qu'est-ce que vous attendez, vous, exactement, de la SAFER? Qu'on trouve une solution pour prendre en charge la ferme, que ce soit de leur côté ou du côté du professionnel. Les travaux de charpente. C'est ça. D'accord. Bon, ça n'a pas l'air trop compliqué, ça. Pour changer une ferme, c'est ça qui vous fait la confusion. Pour nous autres Parisiens, dans nos bureaux, une ferme, pour nous, c'est une exploitation. Tandis que là, c'est la ferme de la charpente. Ah. C'est la pièce qu'il faut changer. Voilà. Voilà, c'est un bâtiment d'habitation. Bon. Oui. Donc, Fanny, est-ce que monsieur dit qu'il en parle cet après-midi avec la direction, donc il pourra nous donner du nouveau? Oui, après, je reste sceptique puisqu'il a déjà utilisé cet argument la semaine dernière. Alors là, je vais sortir. Excusez-moi, je me suis entretenu avec vous il y a deux, trois jours. Non, on est d'accord. Hier, on s'est entretenu hier. D'ailleurs, ouais, voyez, voilà, hier. La semaine dernière, vous m'avez laissé un message sur le répondeur, je crois, le mercredi, disant que le jeudi, vous en parliez à votre direction. Exactement la même chose que vous m'avez dit hier. Voilà. Non, mais c'était pas le cas pour la semaine dernière, donc. Bon, je pense que ça va bien se passer. Il attendait peut-être d'avoir toute la direction au complet pour pouvoir leur en parler. Oui, monsieur Maître Fellonneau, moi je pense que ça devrait bien se passer cette affaire, puisque tout dépend, en fait, l'erreur sur la qualité de ce bâtiment dépend de votre expert, qui visiblement a commis une erreur. Et donc à ce moment-là, si cette erreur est reconnue, elle devrait être reconnue par elle, par son assureur, et on devrait trouver une solution amiable avec un peu de bonne volonté. Allez, on en saura plus avec la SAFER. Merci, monsieur. Passez une bonne journée, monsieur. Merci de nous avoir parlé. Merci. Ne vous inquiétez pas, Fanny, je comprends que vous en ayez un petit peu marre. Sarah prend le relais à partir de maintenant. D'accord, Fanny? Très bien, merci. Au revoir. Marie, que voulez-vous nous dire? Juste que l'expert va nous rappeler Julien, parce que sa secrétaire lui a donné le numéro de téléphone. Génial. Du studio. Il nous rappelle normalement pendant l'émission. Parfait, l'expert de la Sartec qui est à Toulouse. On attaque d'autres cas, bien sûr, dans une seconde. Celui d'Alain, il nous dira ceci, Alain. J'ai acheté un canapé d'intérieur, je l'ai payé 4 790 €. Le canapé principal présente un défaut. Le service après-vente est déjà venu à deux reprises pour le réparer. Mais le défaut est réapparu. Depuis, je n'ai plus de nouvelles du vendeur. A tout de suite sur RTL. Quand Marie a eu l'idée de casser le mur du salon pour faire une cuisine américaine, Hervé s'est dit que la vraie bonne idée, c'est de profiter du festival de juillet Bricomarché. Vous avez des idées? Bricomarché a les prix. Du 29 juin au 10 juillet, Bricomarché crédite sur votre carte fidélité 15 € par tranche de 100 € d'achat. Et ça sur tout le magasin. Bricomarché, pouvoir tout faire moins cher. 15 € par tranche de 100 €, magasin participant sur bricomarché.com. Bon, prenons un élève de 3e et plongeons-le dans un nouveau collège. Sachant que la pression exercée dès septembre est proportionnelle à son examen de fin d'année, trouvez la bonne formule pour qu'il entame la rentrée sans trop stresser. Vous avez 20 secondes. Avec Acadomia, la réponse est facile. Votre enfant peut faire un stage de pré-rentrée dans un des 110 centres Acadomia en France auprès d'enseignants motivants et certifiés. Une semaine de cours adaptée pour reprendre le rythme en douceur. Renseignez-vous dès maintenant sur acadomia.fr au 0810 10 15 20, prix d'un appel local. Citroën, bonjour. Bonjour, je viens de faire un lob au tennis et avant que mon adversaire me renvoie la balle, aurais-je assez de temps pour venir chez vous avec ma vieille voiture et repartir en Citroën? Vous jouez sur quelle surface? Terre battue. C'est bon. Avec les départs immédiats Citroën, profitez de 4 300 € de prime sur Citroën C3 avec climatisation, tablette tactile 7 pouces et assistance 7 ans. Disponible immédiatement en concession. Citroën. Offre sous condition de reprise d'un véhicule d'occasion Nord Attraction et Vitamine, valable jusqu'au 31 août dans la limite des stocks disponibles. Équipement selon version, détails sur carstore.citroën.fr. Carrefour. Allez hop, fini l'année scolaire. T'es contente? Ouais, je vais pouvoir jeter mon vieux cartable. Ah non, non, non, surtout pas, ma chérie. Bah, pourquoi? Bah, parce que figure-toi que jusqu'au 18 juillet chez Carrefour, ils récupèrent les anciens cartables et en échange, on a un bon de réduction de 10 euros. Cool, comme ça, je pourrais avoir un cartable tout neuf pour la rentrée. Jusqu'au 18 juillet, rapportez votre ancien cartable chez Carrefour et profitez d'un bon de réduction de 10 euros. Bon de réduction valable du 28 juin au 18 septembre 2016. Modalité complète et liste des magasins participants sur carrefour.fr. Carrefour. Pour vos pneus, vous passez des heures à chercher les moins chers. Eh bien Fred, non. Non, moi je suis sûr d'avoir les moins chers. Pour comprendre, revenons un peu en arrière. Là, Fred change ses pneus chez Noroto. Et être détendu avec son budget auto, c'est facile avec Noroto. Tous les pneus sont en permanence au prix les plus bas. Sinon, on vous rembourse la différence. Noroto. Modalité en centre et sur noroto.fr. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Le 9h30, 11h qui tente des négociations pour vous. Alain est en ligne avec nous. Alain, bonjour. Oui, bonjour Julien. Vous nous appelez d'où Alain? Alors je vous appelle d'un petit village au pied du massif des Maures dans le Var qui s'appelle Les Maillons. Les Maillons, ah ça me touche particulièrement et ayant moi-même animé pendant des mois Les Maillons faibles. Le 18 octobre 2014, vous achetez un salon d'intérieur à 4 790 euros. Vous êtes livré à Noël 2014 et rapidement une assise présente un défaut. Alors quel genre de défaut quand on s'assoit? Ben, quand on s'assoit, ben, on s'enfonce beaucoup trop. C'est-à-dire qu'on disparaît complètement dans le... On ne vous voit plus du tout. Pratiquement, comme je suis de petite taille. D'accord. Pratiquement. Voilà. Mais où est papa? Ben, cherche-le, écoute. Sous le coussin. Il est encore sous le coussin. Voilà. Tu peux pas arrêter tes bêtises, Robert. Bon, alors, effectivement, à ce point. Donc, vous avez appelé le SAV du magasin qui intervient en mai et en août 2015. Il confirme le problème et note un affaissement de l'assise du bâtard. C'est ce qu'ils ont marqué. Mais ne vous laissez pas parler comme ça, Alain, vous n'avez pas le droit. Le bâtard, c'est un terme technique apparemment, ce que j'ai compris. Bon. C'est la partie principale, c'est-à-dire dans un canapé d'angle, c'est la partie, le canapé simple, si vous voulez, qui compose un angle. Il y a d'un côté une méridienne, le bâtard, et l'angle au côté opposé. D'accord. Non, mais excusez-moi, parce qu'au début, j'étais très en colère. Moi, je pensais que vous étiez arrivé dans le magasin. Donc, le vendeur vous écoute, il appelle son patron. Le patron arrive, mais qu'est-ce qui se passe? C'est lui, là. Il a des problèmes, ce bâtard. Alors, je me suis dit, mince, on peut pas parler comme ça au client. Mais en fait, c'est une pièce du canapé. Bon, alors, aujourd'hui, vous avez... fait appel à votre assistance juridique qui envoie deux courriers recommandés et toujours aucune réponse du magasin, c'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça. Trois courriers recommandés qui n'ont jamais reçu de réponse. Le premier, c'était le mien. Et ensuite, j'ai fait appel à l'assistante. Donc, trois courriers qui demeurent sans réponse. On est assez efficace, Hervé Pouchol, avec les magasins de meubles. En général, on est bien reçu. Donc, je suis assez confiant pour Alain. En tout cas, on va l'aider. Il n'y a aucune raison. Il habite Toulon. Superbe région. Je ne serai pas très loin de chez vous. Je serai où exactement? De la Tour. Plan de la Tour, c'est dans la région de Toulon. Oui, enfin, c'est plutôt dans le golfe de Saint-Tropez, sur les hauteurs. Voilà. Là, le 27 juillet pour le spectacle. Mais si vous voulez venir, je vous inviterai au spectacle. C'est le 27 juillet, c'est ça? 27 juillet. Là-bas, au Plan de la Tour, dans le théâtre en plein air. Bah oui, formidable. Mais ça, on le fera que si on règle votre cas. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec le fondement juridique mis en avant par votre protection juridique, mon cher, parce qu'ils font état d'une histoire de vice caché. C'est toujours bien plus compliqué. Il faut utiliser la non-conformité, parce que le défaut est apparu moins de 6 mois après la livraison. Et depuis, ils sont intervenus plusieurs fois et n'ont jamais réussi à mettre fin à ce désordre. Donc, il a le droit, maintenant que les 30 jours de réparation sont passés, au remplacement ou au remboursement. Alors, quel est l'objectif, vous? C'est qu'on vous reprenne le canapé qui a un défaut ou une bonne fois pour toutes qu'on le répare, c'est ça? Mais vous voulez maintenant que ça marche à coup sûr? Non, une troisième réparation, j'y crois plus. D'accord. Parce que j'ai vu comment il procède. Ça marche. C'est ou l'échange ou le remboursement. Allez, nous allons lancer l'appel dans une seconde, si vous le voulez bien, pour Alain, afin qu'il puisse s'asseoir normalement, qu'il puisse non pas s'asseoir et regarder tout d'un coup le téléviseur disparaître, monter. Non, en fait, c'est lui qui descend. Le téléviseur est de plus en plus haut. Je ne vois plus rien. Parce qu'il est enfoncé dans son canapé. Intervention d'RTL après ceci. RTL. Valise. Mais on part qu'un week-end. Bah, une pour mes affaires et une pour le shopping. Pendant les soldes sur mesbagages.com, il y a jusqu'à moins 60% sur des milliers d'articles. J'ai pas pu me retenir. Mesbagages.com, c'est plus de 15 000 bagages de grandes marques au meilleur prix, livrables en 24 heures. Avec mesbagages.com, vous ne serez pas déçus du voyage. Voir conditions sur le site. Et voilà le bijou dont je vous parlais. Grand volume intérieur, tout confort pour une famille. Et c'est orienté plein sud. Ah bah, nord-sud, est-ouest, c'est comme vous voulez. Ah, j'adore. Et le prix? Ah bah, vous allez l'adorer aussi. En ce moment, profitez de la Nissan Pulsar avec une reprise Argus plus 4 500 €. Remise 1 500 € et reprise véhicule condition Argus plus 3 000 € pour commande Nissan Pulsar 9 sauf Visia et série spéciale ou limitée. Jusqu'au 30 septembre chez les concessionnaires participants. Nissan, innovez autrement. Je viens de lire le prospectus but Litry en folie, on va pas acheter un matelas. Quoi ? Mais ça fait des années qu'on doit changer le nôtre, il est tellement mou qu'on se retrouve toutes les nuits collés l'un contre l'autre. Justement, on va pas acheter un matelas, on va en acheter deux. La literie en folie, c'est en ce moment chez But. Jusqu'à moins 40% sur une sélection de grandes marques. But, c'est nous. Voir conditions en magasin et sur but.fr. Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Je vous retrouve tous les jours de 14h à 15h sur RTL pour l'heure du crime avec mes invités, enquêteurs, magistrats, avocats et journalistes. Je vous raconte les grandes affaires criminelles d'hier et d'aujourd'hui. Rendez-vous à 14h, l'heure du crime sur RTL. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. On m'a vendu une ferme avec une belle erreur d'expertise. La charpente est en très mauvais état, il y en a pour 27 000 €. Depuis, je me retourne vers le vendeur et l'expert, mais il se renvoie la balle. Nous avons appelé tout le monde, nous avons appelé la société qui a vendu, nous avons appelé l'expert. L'expert doit nous rappeler, mais surtout la bonne nouvelle, c'est que la société qui a vendu le bien nous a dit une chose intéressante, Hervé. Le monsieur Roussel, le directeur général de la SAFER Haute-Garonne, a rendez-vous avec sa direction générale pour le dossier de Fanny. Elle aura du nouveau en fin de journée. Et puis on aura Sartec à Toulouse qui est, je le rappelle, l'expert. Mmh. D'ailleurs, à voir si ce dossier-là n'est pas commun avec le dossier du canapé. Sartec le bâtard, on verra. Mais non, mais ça peut être les deux, on sait jamais. Nous verrons ça. Non, mais alors on va demander à Marie qui a quand même l'habitude parce qu'il y a quand même un double langage. Il y a celui de notre génération et puis maintenant il y a un langage beaucoup plus jeune. Donc les jeunes disent souvent Sartec. Ça veut dire quoi? Mais ça, alors faut demander à Sarah parce que c'est d'une origine qu'elle connaît très bien. C'est origine Afrique du Nord, Sartec. C'est ça exactement. Ça veut dire quoi? Sartec. Sartec veut dire félicitations. Ah, c'est un mot positif. Je croyais que c'était mon contraire négatif. Mais non, pas du tout. C'est félicitations. Génial, très bien. Eh bien, vous voyez, je me coucherai moins bête ce soir. Et croyez-moi, en me levant ce matin, c'était pas gagné. Un deuxième cas a été lancé, celui-ci. J'ai acheté un canapé d'intérieur, je l'ai payé 4 790 €. Le canapé principal présente un défaut. Le service après-vente est déjà venu à deux reprises pour le réparer. Mais le défaut est réapparu. Depuis, je n'ai plus de nouvelles du vendeur. Nous appelons, et c'est toujours des grands moments, le magasin de meubles, juste après les infos. Les infos qui arrivent. Et n'hésitez pas, 3210, Facebook, la page, ça peut vous arriver. L'émission qui négocie pour vous, c'est le 9h30-11h. What's the sense in sharing this one and only life? Poussin, je vais au garage AD. Ok, à tout de suite. Alors, AD.fr, devis en ligne. Eh oui, plus besoin de sortir pour aller chez AD. Sur AD.fr, faites votre devis et prenez rendez-vous pour toutes les prestations auto et toutes les marques de véhicules. Avec AD, préparez la route de l'été. AD. 2000 garages, carrosserie et devis en ligne. RTL 10h. Les infos, c'est avec vous, Olivia Loret. Bonjour, Olivia. Bonjour, Julien. Bonjour à tous. L'état d'urgence devrait prendre fin le 26 juillet, sauf incident pendant le Tour de France. Le pays sortira donc de l'état d'exception mis en place depuis les attentats du 13 novembre. C'est une information RTL. Il ne reste plus que quelques heures au frondeur de la gauche pour s'organiser. Les députés ont jusqu'à 15h15 pour déposer une motion de censure contre la loi travail. Autrement, le texte sera adopté. Hier, Manuel Valls a brandi le 49-3. Douche froide. Tristesse, les écologistes déplorent ce matin la décision de Nicolas Hulot. La figure la plus plébiscitée du parti pour la présidentielle de 2017 ne se présentera pas. C'est le jour J pour les collégiens. Les résultats du brevet sont publiés ce matin dans une dizaine d'académies. Les autres doivent patienter jusqu'à vendredi. Tour de France 2016. RTL Tour de France 2016. L'étape du jour. Nicolas Georgerot. Et bienvenue à la montagne, Nicolas Georgerot. Bonjour à tous, bonjour Laurent Jalabert. Bonjour. La cinquième étape, on prend de la hauteur, 216 km entre Limoges et le Lioran dans le Massif Central, c'est encore long, et les premières réelles difficultés apparaissent. Le Massif Central, alors certains diront que c'est pas aussi dur que les Pyrénées ou les Alpes, c'est vrai. On a roulé sur des gros développements, maintenant il va falloir mettre le petit plateau et tourner les jambes un petit peu parce que le final est quand même très dense en difficulté avec deux cols de troisième catégorie, le Pas de Pérol, le Puy de Marie donc en deuxième catégorie, le col du Pertuge lui aussi en deuxième catégorie, et et les contreforts du Lioran, en finale musclée, où tout peut arriver. Tout le monde se dit ce matin, est-ce que Peter Sagan va tenir? Est-ce qu'il est capable de passer le pas de Pérol? Moi, je crois qu'il peut s'arracher et passer. Ça va être compliqué, mais il pourrait le faire. Mais on aimerait bien que Julian Alaphilippe puisse endosser le maillot jaune, mais il va falloir pour cette équipe aussi contrôler un peloton où il y a peu d'écart finalement et où beaucoup de coureurs encore peuvent rêver du jaune. Et ceux qui sont plus loin auront plus de liberté que Julian Alaphilippe. Ce sera compliqué. S'il est costaud dans le final, et je crois qu'il l'est, peut-être Julian Alaphilippe en jaune ce soir, c'est possible. Merci Laurent Jalabert. Départ 11h25. Bonne étape à tous. Nicolas. Merci. Nicolas Georges Heureux sur la route du Tour de France 2016. Partagez la passion du vélo et encouragez vos champions avec Direct Energy, fournisseur d'électricité et de gaz. Il y aura aussi du tennis cet après-midi. Deux Français sont en quart de finale à Wimbledon à partir de 14h. Joe Wilfried Tsonga affronte Andy Murray. Lucas Pouille tentera de battre Thomas Berdych. Et puis, pour couronner votre programme sportif du foot, évidemment, l'équipe de France a quitté Clairefontaine pour Marseille à l'instant avant la demi-finale face à l'Allemagne. Demain, ce soir, c'est Portugal, Pays de Galles, Lyon. Coup d'envoi 21h. La Bourse de Paris ouvre en légère baisse, moins 0,87% à 4127 points. Les courses sont à Vichy. Les pronostics de Bernard Glass le disent. Le 8, le 7, le 9, le 5, le 4, le 13 et le 6. Dernière minute, le 7. On garde le meilleur pour la fin. Le soleil arrive enfin partout en France. Bonne nouvelle, cela va durer jusqu'à dimanche au moins. Les températures de 16 à Cherbourg à 35 degrés à Nîmes, 19 à Brest, 21 à Lille, 24 à Paris et 30 à Marseille. Vous écoutez RTL, il est 10h03. Tout de suite, ça peut vous arriver avec vous, Julien Courbet. Merci beaucoup les infos. Et comme nous l'a appris Sarah, Psartec les infos, félicitations. Hein, c'est ce qu'elle nous a dit. Donc dorénavant, à chaque fois que je vous dirai Psartec, ça veut dire que je vous félicite. Très bien. Psartec Felono pour tout le travail effectué depuis maintenant près de 15 ans. Nous allons vous rappeler que pour Fanny et sa ferme achetée avec une charpente qui n'est pas en bon état, alors qu'il y avait une expertise qui disait qu'elle était en bon état, cet après-midi, réunion au sommet chez la société qui a vendu pour trouver une solution. Je suis vraiment mais optimiste dans ce dossier. Le deuxième, c'est le canapé qui s'affaisse. Nous allons donc appeler, si vous le voulez bien, dans une seconde. On marque la petite pause qui fait du bien. Il y aura du conseil de la félonette. Il y aura de la négociation de la poucholette. Et il y aura, je l'espère, un auditeur content. C'est Alain. Alors attention, Alain qui, je le rappelle, il y a un canapé, c'est un deux places, c'est ça Alain? Décrivez-nous, il y a une méridienne et puis après une partie en angle. Une méridienne, le bâtard au milieu et un angle. Ce qui fait, si vous voulez, un U. D'accord, et c'est le bâtard qui pose problème. Voilà. Alors avez-vous compris ce qu'est un bâtard, vous ? Oui, c'est la partie horizontale du U. Ah, c'est la partie... Ah, d'accord. Voilà, donc en fait, là, il a dans le U le problème. Voilà. C'est bien ça. Voilà. Si j'avais compris. Voilà. Allez, on appelle le magasin après ceci. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, c'est la loose. Pour Lidl ? Mais pour nous, oui. Parce qu'en ce moment, pour fans de barbecue, les 4 saucisses de Toulouse Origine France sont à 2,75€ les 480 grammes. Moins de 70 centimes la saucisse. 4 saucisses de Toulouse à seulement 2,75€. Toulouse hors notre Toulouse, telle est la question. Moi j'ai la réponse, hein. Direction Lidl, oui. À ce prix-là, les saucisses de Toulouse, moi je les invite toutes à mon barbecue. Eh ben on est mal, hein. Oui, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 5,73€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, bougez plus. Je vous en prie, entrez. Comme je vous l'avais dit, c'est fonctionnel et très agréable à vivre. Ah oui, effectivement, et c'est charmant. Tout à fait mon style. En plus, c'est idéal pour faire vos courses en centre-ville. Et le loyer, il est charmant aussi ? 99€ par mois. Alors là, je m'y vois déjà. Nissan Micra, la citadine hyper maniable, est à partir de 99€ par mois, sans apport, sans condition. Pour Nissan Micra Visia, 1 litre de 80 chevaux, location longue durée, 48 loyers, si accordiac jusqu'au 31 juillet. Détails sur nissan-offre.fr. Nissan, innover autrement. Écoutez le 9h30-11h sur RTL. Allez, Alain, il attend depuis tout à l'heure avec, avec son bâtard de... Arrêtez, mais réexpliquons que le bâtard c'est une partie du canapé qui, ne, voilà, qui est en panne, qui ne marche pas, qui est affaissé. On appelle le magasin qui ne veut rien faire pour l'instant et il veut qu'on lui change. Ça fait deux fois qu'il le répare et deux fois qu'on n'arrive pas à réparer le bâtard. Donc il dit maintenant un bâtard neuf. C'est parti, appel lancé, magasin qui se trouve à Lavalette du Var. Oui. Et c'est occupé, c'est souvent occupé ou pas Alain? Ou là c'est non, vous arrivez à les avoir assez facilement? En général, oui. Bon, oui, oui. Ah bah, là vous voyez, le ton a changé là. Tout à l'heure je le sentais enthousiaste et là je le sens moins enthousiaste Alain. Oui. On réessaie s'il vous plaît le magasin à Lavalette du Var. Deuxième tentative, vous inquiétez pas, si on les a pas, là on va faire sonner non-stop et puis il y aura la petite alerte. Julien s'est occupé. Bon, et bien Alain, vous restez près du téléphone, nous on fait sonner non-stop, à moins qu'on attaque le siège tout de suite ou on se laisse... Laissons-nous la possibilité d'avoir le magasin quand même. Donc, Alain, restez près du téléphone. Je réessaie le magasin. Si je ne l'ai pas, j'attaque le siège après. Mais je le ferai dans 5 minutes, d'accord ? D'accord. Très bien. À tout de suite, Alain. Là, attaquons un autre cas. Dieu merci, c'est pas les cas qui manquent. Et j'aimerais bien en avoir moins, ce qui voudrait dire que vous n'avez pas de soucis. Mais par exemple, on a Vincent qui nous a dit ceci. Je suis propriétaire d'un appartement. Le syndic de l'immeuble a voté en 2013 la mise en place d'un ascenseur et la réfection de la cage d'escalier. Les travaux ont commencé, mais à cette allure, ils vont mettre 10 ans pour finir. Alors que tout devait être fini en juillet 2015. Et ce syndic, on le connaît, c'est le syndic de Madame de Fontenay. Moi, c'est le syndic de beaucoup de gens. Bien sûr, bah, c'est un des plus gros de France. Exactement. Bonjour Vincent. Bonjour. Vincent est à Cherbourg. Tout à fait, en Cotentin. Très bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Vincent ? Je suis préparateur chez des CNF. J'ai rien compris, quoi ? Vincent. Quoi ? Je suis préparateur industriel chez des CNF. D'accord, et vous avez surtout un vieux haut-parleur. Oui, désolé, excusez-moi. Mais c'est pas vrai, ça. Alors, non, on va changer. Je vais donner de nouvelles consignes à Marie et à Sarah. Dorénavant, aux auditeurs, vous leur dites, vous êtes obligés de mettre un haut-parleur. Comme ça, ils ne le mettront plus. Parce qu'il faut quand même qu'on explique à tous ceux qui nous écoutent que Marie, donc, appelle l'auditeur. Et avant de le mettre à l'antenne, à chaque fois où Sarah lui dit bien, monsieur, ne mettez pas le haut-parleur. Eh bien, dans 99,9% des cas, l'auditeur a le haut-parleur. Donc, dorénavant, vous allez leur dire, mettez le haut-parleur. Et vous verrez que tout se passera bien. Mais c'est pas grave, mon Vincent. Nous allons donc rappeler que vous êtes propriétaire d'un appartement F3 et représentant au conseil syndical de la copropriété. En mai 2013, le syndic de l'immeuble se réunit et vote la mise en place d'un ascenseur et la réfection de la cage escalier. Le budget est de 155 000 euros et le début des travaux est prévu en novembre 2013. Malheureusement, aujourd'hui, j'avais plus de souffle pour le placer. Donc, je vous assure, j'ai essayé d'aller jusqu'au bout, mais le 2013, il passait pas. Donc, en 2013, travaux de 155 000 euros pour la copropriété. Et aujourd'hui, les travaux ne sont toujours pas terminés. Rien n'avance. Et vous êtes exaspéré par cette situation. Quand vous appelez le syndic, que vous disent-ils, Vincent ? Bah, qu'ils ont un maître d'œuvre et qu'ils ont du mal à pousser à la fois ce maître d'œuvre. Aujourd'hui, nous, on paye une société pour justement pouvoir, pour pouvoir pousser ces sociétés-là à réaliser les travaux. Donc, on est un peu dans... Aucun problème d'appel de cotisation ? Non, non, non. Bon, alors, vous savez ce qu'on va faire ? On va commencer, on va donner la parole à maître Fellonneau. Mais avant d'appeler le syndic, moi, on va appeler le maître d'œuvre parce qu'il va peut-être nous dire des choses, lui. Peut-être que le maître d'œuvre, il vient pas parce qu'il n'a pas été payé ou je ne sais quoi. Bah, écoutez, il y aura un problème d'argent, j'espère qu'on le saurait. Et il y aurait des appels de fonds qui seraient faits. Il y aurait des justificatifs. Or, dans tous les documents que nous a remis notre auditeur, rien de tout ça. Il y a l'air d'avoir un mauvais suivi de chantier. Il y a l'air d'avoir en plus une mauvaise lecture du devis, puisqu'il n'arrive pas à obtenir la prestation qui est prévue pourtant dans le devis. C'est surtout maintenant aussi dans un terme esthétique. Et puis, quelle lenteur ! Alors, c'est sûr que si vous n'avez pas un maître d'œuvre qui pousse un peu les entreprises, eh bien, on peut attendre à Saint-Glinglin la preuve. Allez, on a le syndic local. Je dis bien local, on a un nom, il est donc du côté de Cherbourg, je suppose. Où il se trouve exactement votre syndic ? À Cherbourg. Dans à Cherbourg. Eh bien c'est parti, nous faisons le syndic de Cherbourg. Marie est en train de préparer le numéro. Hervé est prêt à négocier et à reprendre. Bonjour. Bienvenue chez Nexity. N'hésitez pas, nous allons prendre votre appel. D'accord. Locataire, étalez vos frais de location en 3 mois et emménagez l'esprit léger. Et pour gagner du temps, pensez à déposer votre dossier locataire en ligne sur nexity.fr. Oh. Ça sonne à Cherbourg. Agence Nexity, bonjour. Bonjour Nexity, c'est Julien Courbet à l'appareil, c'est l'émission RTL, ce n'est pas une blague madame. Oui, je vous appelle. Je vous ai reconnu. Vous, comment allez-vous ? Ça me fait plaisir de vous parler, quel est votre prénom ? Martine. Bon, vous avez l'air de... Vous ne vous en souveniez plus ? Non. Alors Martine, j'ai Vincent Lehir, qui est un des copropriétaires. Où se trouve justement la copropriété, s'il vous plaît Vincent ? C'est boulevard Robert Schumann. C'est ça, au 20 boulevard Schumann. Où il y a eu un appel de fonds, 155 000 euros de travaux prévus en octobre 2013 ou en novembre 2013. Et les travaux sont bloqués, ça n'avance pas. Et il nous dit, j'arrête pas d'appeler le syndic, j'ai pas de nouvelles. Et nous les copropriétaires, on comprend pas que ça n'avance pas. Est-ce que vous pouvez me passer quelqu'un ? Donc, vous êtes avec Monsieur Lehir, du boulevard Schumann. Oui. D'accord. Et vous êtes monsieur ? Moi, Julien Courbet. Mais vous m'avez dit que vous m'aviez reconnu. Oui, alors attendez. D'accord. Donc cette dame, c'est quand même assez particulier comme dialogue. Je lui demande son prénom, elle ne le connaît pas. Mais moi, elle me reconnaît, elle me dit, vous êtes Julien Courbet. Donc après,

Message de Natacha Harry, présidente bénévole de la SPA. Cette année encore, 60 000 animaux seront les grands perdants de l'été. Pour aider les refuges de la Société protectrice des animaux à les prendre en charge, soutenez-nous. Faites un don sur la-spa.fr. La SPA vient d'obtenir le label Don en confiance. Avec RTL. Et si on parlait Renault Service ? Ah, l'addition. Claire, ça t'ennuie si on partage ? Je dois remplacer mon pare-brise et du coup, ce mois-ci, ça va être un peu difficile. Pipo, pipo. Pardon ? Bien essayé. Mais chez Renault Service, la franchise est offerte pour le remplacement du pare-brise. Vous savez bien que vous ne paierez rien. Ah, super. Un remplacement de pare-brise ne sera plus une excuse. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Offre réservée aux particuliers sur tous les véhicules Renault et Dacia dans le réseau participant, voire conditions en point de vente. Monsieur, non écoutez, là, il faut sortir du placard. Les clients suivants sont arrivés. Pitié, juste une nuit de plus. Il y a encore un super match sur Bein Sport ce soir. Bein Sport dans toutes les chambres équipées. Petit déjeuner complet pour 6,15€. Accueil personnalisé. B&B Hotel, venez pour le prix, restez pour tout le reste. Et dans toutes les chambres équipées, profitez du Wi-Fi haut débit gratuit et illimité. Voir conditions sur hotelbb.com. RTL présente. Un soir sur un banc, 5 minutes avec toi. Renault Phoenix Tour. Renault en tournée dans toute la France. En concert du 11 au 15 octobre et du 25 au 29 octobre au Zénith de Paris La Villette. Infos et réservations sur backline.fr, dans les points de vente habituels et sur RTL.fr. Renault Phoenix Tour, depuis toujours avec RTL. Voici François de Nantes qui vient d'apprendre qu'à chaque match des Bleus, le PMU met en jeu une super tirelire quintet plus des Bleus de 10 millions d'euros. Une aubaine pour ceux qui miseront sur les bons chevaux. 10 millions. C'est vrai qu'il a l'air content, François. Vous aussi, jouez au Paris Hippique et tentez de gagner la super tirelire des Bleus de 10 millions d'euros du quintet plus. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Géant prend toujours soin de votre pouvoir d'achat et vous propose une offre exclusive sur les lessives en capsule Ariel Pod 3 en 1. Le deuxième paquet de 30 doses est 100% gratuit, soit par deux, les 30 doses d'Ariel à 5,67€ au lieu de 11,33€. Et c'est seulement chez Géant. Les prix bas, c'est Géant. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Nous avons plusieurs dossiers en parallèle. Là, il y a une alerte. Dites-moi sur quel dossier vous intervenez avec cette alerte, Hervé Pouchol, sur RTL. Oui, concernant le dossier de Vincent et son problème avec Nexity. D'accord. Écoutez, je suis en ligne avec la jeune fille qui n'arrive pas à joindre son responsable. On va essayer de trouver un moyen pour qu'elle le contacte par SMS, par exemple. Très bien, c'est Monsieur Trottier. C'est ça, madame. Elle est en ligne avec nous, madame. Oui, Monsieur Trottier, oui. Il faudrait lui envoyer un mail. Voilà. Ah, écoutez, non, parce que là, on est à la radio, donc c'est compliqué. Vous pouvez pas lui envoyer un petit texto ? Non, c'est Monsieur. Pas... Mais Monsieur Trottier, on a un numéro de portable de Monsieur Trottier, de toute façon. On va essayer de l'appeler, on y va. Comme ça, on va lui laisser directement le message. C'est... Ah, oula. Ah, ça sonne à côté. Ah, ça sonne où ? Mais juste à côté. Je comprends pas. Ah, c'est vrai ? Dans la même pièce, peut-être. Non. Non, et madame, il ne serait pas à côté de vous, par hasard ? Non, il n'est pas à côté de moi. Ah, d'accord. Non, parce que des fois, ça nous est arrivé. Pas disponible pour le moment. Alors, on va laisser un message à M. Trottier. Bon, on va appeler la direction, c'est dommage. Oui, bonjour, Monsieur Trottier, Julien Courbet à l'appareil. Auriez-vous l'amabilité de me rappeler, Nexity Syndic, concernant des travaux dans une résidence qui apparemment ne serait toujours pas terminée et les propriétaires en ont un peu marre. J'aimerais bien avoir votre version. Je vous laisse un numéro, vous pouvez nous rappeler. En parallèle, s'il vous plaît, peut-on me faire le deuxième numéro, celui du maître d'œuvre Sarah-Marie en urgence, pour que nous ayons maintenant la version des faits de celui qui est censé faire avancer les travaux, parce qu'on aura peut-être une toute autre version. Et dans un troisième temps, nous nous tournerons vers le siège à Paris. Mais alors, le siège à Paris, c'est une énorme tour à la Défense avant qu'il retombe là-dessus. C'est pour ça qu'il faut compter sur Monsieur Trottier. Oui, bonjour. Je suis à la société Volume. Oui. Bonjour madame, je suis Julien Courbet, c'est la radio RTL, ce n'est pas une blague. Madame, je vous appelle car j'ai un auditeur dans le cadre de mon émission qui me dit qu'il est propriétaire dans une résidence boulevard Robert Schumann à Cherbourg où il y a eu 155 000 € d'argent voté pour des travaux. D'ascenseur. Et le maître d'œuvre, c'est Volume, monsieur Avoine, pour l'ascenseur. Il nous dit les travaux, il se passe plus rien, tout est bloqué. Est-ce que vous avez du nouveau, vous, de votre côté ? Oui, c'est une blague, non ? Ah non, mais déjà, si c'en était une... Je ne vous le dirai pas, non, mais ce n'est pas une du tout. On va vous mettre un petit... Ces personnes ont un interlocuteur qui s'appelle M. Avoine. Il y a M. Trottier également, d'Alexity. Alors justement, s'ils passent par la radio, c'est parce que malheureusement, ils n'ont pas de nouvelles. Pouvez-vous expliquer, s'il vous plaît, Vincent, à cette dame, pourquoi vous passez sur RTL? Moi, je passe sur RTL parce qu'aujourd'hui, les travaux, ils n'avancent plus. On nous promet des avancements de travaux qui, aujourd'hui, n'ont jamais été... réalisé, ou en tout cas on ne comprend pas pourquoi ça n'avance pas plus. Aujourd'hui on se retrouve avec des linteaux qui, en mois de décembre, j'ai signalé qu'ils étaient fissurés, sont toujours pas repris. Voilà, il y a les caches pour les fils électriques qui devaient être faits, pareil, c'est pas réalisé non plus. Vincent, on va pas faire toute la liste. Est-ce que monsieur Avoine est là, le maître d'œuvre? Non, justement, il est en rendez-vous. Moi je suis juste son assistante, sa secrétaire. Donc je peux vous dire que j'ai renvoyé encore aujourd'hui des devis à monsieur Trottier, justement pour la reprise de maçonnerie des portes d'ascenseur. Donc ça suit son cours. Alors les travaux ont commencé quand, madame, exactement? Oh, bah alors là, je ne sais plus. Alors Vincent, je peux plus vous dire. Alors si je ne trompe pas, les travaux... Si vous voulez, moi j'ai très peu de temps. Ah, il est en ligne, monsieur Avoine. On a monsieur Avoine en ligne. Monsieur Avoine, bonjour. Bonjour. Monsieur Avoine, je suis Julien Courbet, nous sommes sur la radio RTL. Ce n'est pas une blague, je suis avec Vincent Lehir, qui est un des propriétaires du 20 boulevard Robert Schumann à Cherbourg. Et les propriétaires, c'est ce qu'ils nous disent, et moi je voulais me tourner vers vous. Bah, on a un problème avec EDF sur un raccordement de colonne montante. D'accord, donc c'est, tant que ce problème n'est pas résolu, ça ne pourra pas avancer, on est d'accord? On est d'accord. Non. Mais ça empêche de se faire. Alors, Vincent, je vous écoute. Non, mais là, le problème de la colonne montante, c'est une chose, je suis tout à fait d'accord. C'est comme si aujourd'hui, il vous manquait la prise sur le mur pour pouvoir brancher l'ascenseur. Aujourd'hui, tout le reste des travaux, de la peinture, ça va pas gêner pour la peinture, ça va pas gêner pour pouvoir finir de faire les encadrés de portes qui n'ont pas été compris visiblement dans les différents devis qui ont été faits. La mise en place d'une porte qui a été retirée et qui aujourd'hui n'est pas remplacée, je vois pas en quoi le fait qu'il manque une prise, ça bloque les travaux. Bon, monsieur Avoine, est-ce que vous pouvez essayer de prendre un moment pour nous expliquer pourquoi il y a autant de retard? Ou alors peut-être qu'ils disent des bêtises. Allô? Bon, monsieur Avoine a déconnecté. Nous allons donc... non, mais vous inquiétez pas, Vincent. C'est toujours comme ça la première fois. Et puis, on va pas lâcher. Donc, on attend des nouvelles de monsieur Trottier, Next City Syndic, qui est d'ailleurs en première ligne. Parce qu'est-ce qu'à un moment donné, les copropriétaires se retournent contre qui quand ça n'avance pas et quand on a payé des cotisations pour faire des travaux? Alors, c'est pas contre le syndic qui, lui, ne prend jamais sa petite pelle ou son pinceau pour faire les travaux lui-même. C'est contre le maître d'œuvre qui a été payé. Et grassement payé, j'espère, pour lui. Il y a eu un contrat et visiblement l'ascenseur devait être livré en août 2015, c'est ça? Ah oui. Je vous dirais, bon, il y a eu un problème avec le RDF qui nous a bloqué pendant quelques temps. Les travaux ont repris en mars. Voilà. 2015, bon, et on nous avait promis une date en juillet, août 2015. Voilà, c'est ça, c'est ce que je disais, août 2015. D'accord. Et maintenant, il n'y a toujours rien. Oui. Donc là, ça ne va pas du tout. Le maître d'œuvre, visiblement, n'est peut-être pas assez virulent. Et effectivement, le syndic devrait aussi bousculer un peu les choses, mais dans un deuxième temps. Allez, monsieur Trottier, Next City Syndic, on va essayer hors antenne, mais je dis bien à titre exceptionnel hors antenne d'appeler le siège, parce que le siège, inutile de vous dire que c'est une tour à la Défense où doit y avoir je ne sais combien de milliers de personnes, ouais. Avant de trouver quelqu'un qui connaît le cas à Cherbourg, il va falloir du temps. Mais ça, Hervé est en train de s'en occuper. D'ailleurs, combien, Vincent, a été payé à ce jour? Est-ce que vous le savez, ça? Aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il y ait eu de l'argent de débloquer, parce que vu les affaires qu'il y a eu, je saurais pas vous dire exactement. Bon, ok, mais si, il y a forcément un peu d'argent qui a été débloqué. Il y a le syndic, je pense, c'est le syndic qui suit à ce niveau-là. Maître Félono. Il est prévu une rémunération d'environ 7000 euros TTC. 7000 euros. Pour le maître d'œuvre. Et effectivement, Next City, eh bien, c'est quand même lui qui le paye. Mais oui. C'est lui qui est l'interlocuteur direct, même si les fonds viennent des propriétaires. Donc Next City a son mot à dire et je suppose qu'ils ne sont pas très contents. Vincent, votre dossier sera en tête de pile. Sarah s'en occupe d'avoir M. Trottier, M. Avoine dans l'après-midi. Et là, on ne sait jamais, une bonne nouvelle peut-être d'Hervé Pouchol qui essaie d'avoir le siège. Sur l'antenne d'RTL, dans une seconde, le cas de Gérard. J'ai fait appel à un professionnel pour le ponçage de ma terrasse. Cela a été tellement mal fait que maintenant, j'ai plein de lignes blanches sur ma terrasse. On m'a d'abord dit d'attendre et maintenant, le professionnel est aux abonnés absents. C'est un retour et vous saurez ce qui s'est passé après ceci sur RTL. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Disposition des meubles, couleur des murs, ambiance. Notre déco a-t-elle une influence sur notre morale? Home Sweet Home, c'est cet après-midi dès 15h dans On est fait pour s'entendre sur RTL.

Cass Graham est un jeune artiste danois dont la chanson Seven Years a déjà séduit le monde entier cette année. Et RTL, bien sûr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. L'alerte, que se passe-t-il, Marie ? Monsieur Trottier de Cherbourg donc, vient de nous rappeler à l'instant. Bonjour, monsieur Trottier. Bonjour, monsieur Courbet. Merci beaucoup de nous rappeler. C'est très gentil. Je suis navré de bousculer un peu votre emploi du temps qui doit être chargé. Pour nos auditeurs, je rappelle que nous avons Vincent en ligne, Vincent Lehir. Voilà ce que nous dit Vincent Lehir. Il est propriétaire au 20 boulevard Robert Schumann. Il s'occupe un peu de l'immeuble. Il nous dit on a payé pour des travaux depuis novembre 2013 et là, il ne se passe plus rien. Donc, voilà, juste monsieur Trottier, dans un premier temps, que se passe-t-il avec ces travaux du boulevard Schumann ? Alors, tout simplement, on a donc des travaux d'ascenseur qui ont été commencés. Nous avons une problématique avec ERDF sur la prise en charge de la colonne montante. Donc, nous sommes en procédure avec ERDF pour ce point-là. Et sur l'ascenseur, il est monté maintenant, mais il y a des finitions au niveau de la porte à finir, tout simplement. Et nous avons un litige avec l'ascensoriste pour la prise en charge de ces travaux-là, dont je viens de recevoir le devis avant même votre appel hein, ce matin par le maître d'œuvre. Donc, effectivement, on est en cours de traitement avec ce dossier-là. Donc, Alors, ça veut dire que là, c'est des procès qui sont partis. On attend maintenant le résultat de ces procès pour avancer dans les travaux ? Tout à fait, oui. Alors, pas au niveau de la finition de l'ascenseur, parce que l'ascenseur, on a une partie travaux au niveau de la finition qui est indépendant des procédures, mais après pour la mise en place du électrique de l'appareil, on est obligé d'attendre le résultat de la procédure. Et la réfection de la cage escalier, on en est où ? La réfection de la cage escalier, elle était prévue à l'issue des travaux de l'ascenseur. Donc, après l'ascenseur. Donc elle devrait suivre. Donc, mais moi, j'ai toujours eu M. Lehir à chaque fois qu'il m'a appelé, donc je ne comprends pas son... Ben, Vincent, alors, pouvez-vous parler... Il ne comprend pas ce monsieur, je peux comprendre qu'il ne comprenne pas. Expliquez-lui. Non, mais aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord, vous avez suivi le dossier. Vous faites. Aujourd'hui, moi, j'ai pas de moyens pour faire avancer les travaux. On a déjà signalé il y a 3 mois, par exemple, pour un linteau qui fissurait. Ce linteau-là, il n'est toujours pas repris. On a fait venir aussi, visiblement, si je me trompe pas, au mois de décembre ou au mois de janvier, une personne pour pouvoir faire des goulottes pour cacher pour cacher des fils. Et la personne est venue, mais ces goulottes n'ont jamais été posées. Aujourd'hui, on peut aller jusqu'à la réfection de la cage sans forcément avoir la colonne montante. Et on a toujours été d'accord là-dessus, Monsieur Trottier, à la fois qu'on pouvait avancer sur tous les travaux externes et qu'il nous manquait simplement la prise électrique. Comme il faut qu'on avance. Apparemment, Monsieur Trottier, ce que je comprends, de toute façon, là où il y a procès, on ne peut rien faire. Il va falloir attendre l'issue et malheureusement, il va falloir attendre longtemps. Il va falloir que les propriétaires prennent leur mal en patience parce qu'un procès, ça peut durer 2 ans. J'ose espérer que d'ici là, ils vont trouver des solutions. Alors, tant mieux. Maintenant, est-ce que vous pourriez, monsieur Trottier, s'il vous plaît, faire en sorte que sur tout ce qui est faisable et qui était peut-être prévu à la fin, soit maintenant prévu au-dessus, ils ont envie que ça avance un peu, cage d'escalier, finition, etc. Est-ce que ça, c'est possible ? Alors, oui, c'est possible. D'ailleurs, en l'occurrence, il y a une porte d'entrée qui a été commandée, dont j'ai prévenu un des représentants que j'avais les clés et que j'allais distribuer la semaine prochaine. Donc, bon. Une fois que les clés sont distribuées, la porte est montée. Et après, si les copropriétaires souhaitent que la cage d'escalier soit refaite, on l'engagera, il n'y a pas de problème. Vincent, mais, ça vous va ? Voilà. Ça peut nous aller. Alors, Vincent, ce qu'il faut, c'est maintenant que vous communiquiez régulièrement avec M. Trottier, mais il faut attendre la fin des procès, et il faut maintenant que, effectivement, Nexity demande à la société Volume de faire tout ce qui est faisable. Maître Fellono, un dernier mot ? Oui, j'espère que le procès, en tout cas, contre RDF va finir bientôt, parce qu'il existe aussi un moyen de faire les travaux aux frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, mais évidemment, c'est une question de possibilité financière que d'utiliser cette manœuvre. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs en Assemblée générale. On a voté un point sur la prise en charge préalable de ces travaux sous réserve de l'issue du procès. D'accord. On fait comme ça. Merci à tous les deux. Dans une seconde, ce sera le cas de Gérard, passé le 23 mars. Voilà ce que nous avait dit Gérard. Au revoir, monsieur. J'ai fait appel à un professionnel pour le ponçage de ma terrasse. Cela a été tellement mal fait que maintenant, j'ai plein de lignes blanches sur ma terrasse. On m'a d'abord dit d'attendre et maintenant, le professionnel est aux abonnés absents. C'est ce que nous aurions dû faire il y a quelques instants, mais il y a eu une alerte. Donc, je le remets sur le tapis une nouvelle fois. Mais cette fois-ci, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose. Juste après ceci sur RTL.

photo. C'est pas très juridique, mais c'est photo immédiatement, réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception tout de suite où vous joignez vos photos et vous leur demandez de venir immédiatement pour faire constater d'abord et essayer de trouver une solution. Ça vous fait déjà un point de départ à tout votre dossier juridique que vous allez ensuite monter au fur et à mesure. Est-ce que j'ai le temps de parler un peu de Laurent ? Mais vraiment rapidement, le temps d'une petite pause. On peut le faire avant. Si oh ben non, on va faire une petite pause. Allez, Laurent va arriver. Voilà ce que nous avait dit Laurent à l'époque. Écoutez bien. Ma fille et son compagnon vivent dans des conditions épouvantables. Ils louent un appartement et depuis mars, une entreprise est venue démonter leur parquet. Depuis, plus personne n'est revenu. On les laisse sans plancher. Ah, l'histoire du parquet, je m'en souviens, ça. C'était chaud l'histoire. À tout de suite sur RTL pour en savoir plus. RTL, RTL, musique. Like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love. Dans le 9h30, 11h, Daft Punk, Pharrell Williams, c'est le fameux Get Lucky sur RTL. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Et nous continuons avec le journal radio. Vous le savez, cette émission se suit comme un feuilleton. Il se passe, vous l'avez vu par exemple tout à l'heure, là pour les canapés, on arrive à joindre personne. Ça veut dire qu'on va réattaquer cet après-midi. Et c'est en écoutant tous les jours qu'on suit le feuilleton. Et le feuilleton, il y a l'épisode Laurent. Je rappelle que Laurent nous a appelé et nous avait dit que sa fille et son compagnon louaient un appartement dans le Nord de la France et il déplorait un dégât des eaux dans l'appartement. Il y avait des gens qui étaient venus, qui avaient démonté le parquet, creusé une fosse à vider régulièrement. Donc les pauvres vident avec un seau cette fosse parce que personne ne l'a rebouchée. Pour l'expertise, on a fait un trou, mais quand il s'agit de reboucher, il n'y a plus personne. Laurent est passé il y a plusieurs semaines. L'entreprise Nord France devait revenir pour s'occuper du parquet. Laurent, êtes-vous en ligne ? Oui, Julien. Laurent, que s'est-il passé depuis ? Bah écoutez, Julien, l'entreprise est intervenue l'après-midi même de votre intervention. Donc les travaux ont commencé, il y a eu quelques péripéties, mais ça y est, là c'est terminé, tout est rebouché, le parquet est remonté, la fuite est réparée et tout va bien. C'est génial, Sarah, vous deviez voir pour un geste commercial éventuellement. Je suis toujours en conversation avec eux, je n'ai pas eu de retour pour l'instant, donc je pense qu'ils sont vraiment en train d'étudier le dossier. J'ai les relents, je vous fais un point très prochainement. Bon, Laurent, tout est bien qui finit bien ? Oui, très bien. C'est parfait, Laurent. Qui crie derrière vous, Laurent ? J'ai entendu un petit cri. Tout à l'heure, bah, c'est mes collègues de travail. Ah bon ? Non, sans blague, vous travaillez dans une crèche, parce que ça, on aurait dû une enfant. C'est une collègue de travail qui a crié comme ça, mais qu'est-ce que vous leur faites à vos collègues pour qu'elles se mettent à crier comme ça ? Bah écoutez Julien, je ne sais pas. Mais vous travaillez dans quel secteur ? Dites-moi alors, juste le secteur. Alors je travaille dans un lycée. Ah d'accord. Bon ok, on va changer de sujet. Laurent, donc je suis ravi de vous avoir aidé. Bravo si vous le voulez bien à cette entreprise Nord France qui a tenu ses promesses. Et quand une entreprise dit on va réparer et qu'elle le fait, eh bien il y a quand même un gage de sérieux. Bravo Nord France, merci Laurent. Merci Julien, au revoir. À tout de suite sur RTL. Cendrillon, ce monsieur bricolage, besoin d'un coup de main ? Oh, ma belle-mère m'a demandé de rafraîchir les murs du château, comme si je n'avais pas assez de travail. Pour masquer leurs imperfections, je vous conseille la peinture Corona 12 litres mur et plafond blanc mat à 29,90 euros. Et en plus, bénéficiez de 5 euros en bon d'achat immédiat. 29,90 euros ? Fantastique ! Dommage que ça ne masque pas les imperfections de ma belle-mère. Oh. Jusqu'au 23 juillet, profitez de nos prix d'été pour tous vos projets. Soit 2,49 euros le litre. Conditions et participants sur monsieurbricolage.fr. Message de Natacha Harry, présidente bénévole de la SPA. Cette année encore, 60 000 animaux seront les grands perdants de l'été. Pour aider les refuges de la Société protectrice des animaux à les prendre en charge, soutenez-nous. Faites un don sur la-spa.fr. La SPA vient d'obtenir le label Don en confiance. Avec RTL. Leclerc. Chérie, tu sais combien je suis fan de foot et qu'en ce moment... Ah ben oui, en ce moment... En ce moment, chez Leclerc, avec le grand jeu, la Ligue des supporters à partir de 25 euros d'achat ou pour l'achat de 3 produits partenaires du jeu, il y a un magnifique ballon de foot à gagner. Et ça... Ah oui. Du 29 juin au 9 juillet chez Leclerc, tentez de gagner un ballon de foot des 25 euros d'achat ou pour l'achat de 3 produits partenaires du jeu. Voir modalité dans les magasins participants. Je vais chez Leclerc. C'est ça. Va, mon amour. Et si on parlait Renault Service ? Ah, l'addition. Claire, ça t'ennuie si on partage ? Je dois remplacer mon pare-brise et du coup, ce mois-ci, ça va être un peu difficile. Pipo, pipo. Pardon ? Bien essayé, mais chez Renault Service, la franchise est offerte pour le remplacement du pare-brise. Vous savez bien que vous ne paierez rien. Ah, super. Un remplacement de pare-brise ne sera plus une excuse. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Offre réservée aux particuliers sur tous les véhicules Renault et Dacia dans le réseau participant, voire conditions en point de vente. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Et ça continue les nouvelles, car là, on essaie de solder un peu. L'été va arriver, nous ne voulons pas qu'il y ait des cas en suspens, donc nous mettons les bouchées doubles. Dominique est passé, c'était lors d'une porte ouverte. Il avait, Dominique, acheté un quad. Un quad, les motos à 4 roues. 3 426 euros. Et il y avait eu des tas de soucis. Accro sur la selle. Plastique du feu-stop brûlé, pas de batterie. Le quad est neuf et garanti 2 ans. Et il en avait marre, on avait appelé, et il ne se passait pas grand-chose, si je me rappelle bien. Marie, vous avez peut-être du nouveau. Ben, on avait fait 2 interventions sur le cas, Julien. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Nous avions eu M. Gacougnol, le responsable du quad, justement, qui est situé à Nangis, en Seine-et-Marne. Il devait envoyer les pièces. Et d'ailleurs, il nous l'avait dit, je vous laisse réécouter. Est-ce que vous pouvez lui envoyer des pièces, monsieur ? Bien sûr, si c'est sous garantie, il n'y a pas de souci. Eh ben voilà ! Voilà. Hein, sauf que depuis, bah, c'est le néant. Monsieur Gacougnol n'a rien envoyé du tout. Et nous n'avons aucune nouvelle. Donc, si vous voulez, bah, on rappelle Monsieur Gacougnol. Nous allons le rappeler, les enfants. Est-ce que vous voulez qu'on rappelle oui Monsieur Gacougnol? Oui, oui, oui. Alors, Guignol, que se passe-t-il? Oh, c'est encore Gacougnol. Et ça fait un peu Guignol. J'adore ce nom. Les enfants. Oh, qu'est-ce que j'aimais, les Guignols. On m'y emmenait, moi, au parc. Moi, j'y allais. Je me mettais. Moi aussi, bien là, sûr. On se mettait au troisième rang. Et on avait le petit spectacle de Guignol. Ça se faisait. Ça commençait toujours pareil, ça finissait toujours pareil, mais on était heureux. C'était la belle vie. Nous appelons donc maintenant Monsieur Gacougnol. Et oui, parce que Guignol, il n'arrivait pas, je me rappelle, à déplier les bras pour taper avec... Donc c'était le gendarme, donc il était obligé de... Avec les épaules qui tapaient comme ça. Bon, ils ne répondent pas. Le meilleur du quad à Nangis. Ben, on aimerait bien le connaître, en tout cas, Dominique. On va faire du non-stop, Dominique, ne vous inquiétez pas, hein. Allô ? Allô ? Je suis bien le meilleur du quad à Nangis ? Ah non, j'ai ça, non, pas du tout. Non. Mais je suis bien au meilleur du quad. Oui. Est-ce que monsieur Gacougnol est là? Ah non, il n'est pas là. Ah, alors, écoutez, je ne sais pas si vous travaillez là-bas, je suis Julien Courbet, c'est la radio RTL. Nous cherchons à joindre. J'aime bien la façon dont vous avez fait. D'accord. Je vous explique. Le meilleur du quad a vendu un quad à 3 400 € à un monsieur qui est un auditeur d'RTL. Il a eu des tas de soucis. Et on a appelé le meilleur du quad, et voilà ce que nous a dit monsieur Guacunol. Est-ce que vous pouvez lui envoyer des pièces, monsieur? Bien sûr, si c'est sous garantie, il n'y a pas de souci. Eh ben voilà. Et il n'y a aucune nouvelle aujourd'hui. Donc on commence, il commence à trouver le temps long, Dominique. Alors est-ce que vous pouvez nous aider? Moi, je peux rien vous dire, là. Alors, qui est là aujourd'hui au meilleur du quad? Waouh! Ça fait plaisir. Mais voyez, c'est ce genre d'appel, malheureusement, aussi, et il raccroche au nez. Je suis désolé, moi, pour le meilleur du quad. Je veux bien être gentil et dire du bien de tout le monde, mais vous voyez là le suivi. Quand vous appelez le meilleur du quad, vous avez quelqu'un, il n'y a personne, et il vous raccroche au nez, il ne sait plus quoi dire. C'est une catastrophe. Moi, il va falloir aller au tribunal. Ouais. Mais c'est dommage de donner cette image-là. Enfin, moi, je sais qu'aujourd'hui, j'entends ça, je suis à la radio, j'ai pas tellement envie d'aller acheter mon quad sur le meilleur du quad, hein. C'est de la folie, ça. Monsieur Gacougnol, mais il va plus répondre. Enfin, laissez sonner quand même pour le fun, parce que voilà, ça nous amuse. Et puis alors, quand vous allez sur le site, le meilleur du quad, import-export direct usine, meilleur service, meilleur prix garanti, produit en stock, livraison immédiate sans délai, prix coûtant, solde et promo. Laissez le message. J'ai raccroché. Ah, c'est pas grave, on va lui laisser. Donc, on relance l'appel de toute façon. Monsieur Guacougnol, du meilleur du quad, soyez gentil, dites-nous ce qui se passe, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Mais apparemment, bon, il ne faut pas en vouloir forcément au jeune homme qui a répondu. Hein. Peut-être non, que lui, il n'a peut-être rien à voir, mais enfin, c'est quand même. C'est quand même incroyable, ça. Mais en plus, maintenant, il répond plus. Donc, ça veut dire qu'il sait pas que c'est nous qui appelons. C'est peut-être un autre client, là, qui essaie tout simplement d'avoir le meilleur du quad qui... Il pourra aller se brosser, le nouveau client. Je vous le dis tout de suite, ça ne répondra plus, là. C'est l'embargo. Bon, allez, laissez-moi faire Dominique. On ne lâche pas. La preuve, on est revenu. On revient la semaine prochaine sur le meilleur du quad à Nangis. D'ailleurs, il nous a dit le monsieur pourquoi Nangis. Il doit y avoir plusieurs adresses. On laisse le message. Merci de consulter notre site web lemeilleurduquad.com pour connaître nos horaires d'ouverture. À bientôt. Quels sont les horaires d'ouverture d'ailleurs? Oui, bonjour, c'est Julien Courbet à l'appareil. Il me semblait être dans les horaires d'ouverture. Ce n'est pas grave, je viens d'appeler. Vous m'avez raccroché au nez et nous voulons savoir, ça c'est pas grave. Mais ce qu'on veut, c'est savoir quand est-ce que Dominique Plochier à Saulieu pourra avoir ses pièces détachées puisque ça semblait lui avoir été promis sur l'antenne d'RTL. Donc merci le meilleur du quad de nous dire ce que vous faites avec vos clients. Je vous laisse un numéro pour nous rappeler. Hervé. Moi, j'ai essayé de le joindre avec mon portable, il ne répond pas non plus. Ceci étant dit, vous avez raison. Enfin, je ne sais pas s'il est encore là. Dominique, à un moment donné, même si on continue, c'est gratuit. Il n'y a pas d'avocat. Ça va vous coûter 20 €. Tribunal. Non, mais de toute façon, j'ai entièrement confiance. Tribunal de proximité. C'est super. De chez vous, vous pouvez le faire. Vous remplissez le formulaire et vous l'envoyez directement recommandé au juge. Je serai avec vous au cas où. On s'en occupe si vous voulez. Mais qu'est-ce qui se passe pour tout renseignement? Oui, on me montre le site. Contactez-nous du mardi au vendredi, 10h30 à 18h. Donc là, je pense qu'on est un petit peu dans les horaires. Et ça ne répond pas, malheureusement, chez le meilleur du quad. Il se lève, c'est long, il écrase son égo. Dans sa tasse de café, éteint la stéréo. Éteint le lampadaire, éteint le plafonnier. Éteint dans la cuisine, mais la sécurité. Un couloir, une porte, un lit, c'est la nuit. Quelques pistes pour dormir, je sais plus où je suis. Un store noir, une porte, un lit, c'est l'ennui. Rien à faire pour l'amour, mais ne dis pas toujours. Où es-tu? Quand tu es dans mes bras, que fais-tu? Est-ce que tu penses? Des mauvais rêves, je suis sur un mauvais câble. Dans la paranoïa, pas de marchand de sable. Je vois en panoramique, urgent et désirant. Une blonde décapitée dans sa décapotable. Cauchemar, highway, road trip, fumée noire. Une vente vorace du haut fond d'un couloir. J'en sors pas, GAFA, bad trip, idée noire, avalé par l'espace au fond d'un entonnoir. Je veux m'enfuir. Quand tu es dans mes bras, je veux m'enfuir. Est-ce que tu rêves de moi? Je veux m'enfuir. Tu ne penses qu'à toi. Je veux m'enfuir. Tout seul tu finiras. Je veux m'enfuir. Quand tu es dans mes bras, je veux m'enfuir. Est-ce que tu rêves de moi? Je veux m'enfuir. Tout seul tu finiras. Je veux m'enfuir, je veux partir, je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir, je veux pleurer, je veux rire. Je veux m'enfuir, je veux partir, je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir, je veux pleurer, je veux rire. Je m'enfuir, je veux partir, je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir, je veux pleurer, je veux rire. Bernard Lavillier, Nicoletta avec Idée Noire sur l'antenne d'RTL. En vous rappelant que ce mardi, un mardi qui arrive, c'est le numéro 2 de l'émission de télé Faut pas abuser, que vous verrez sur D8 à 21h avec toutes les stars autour de moi qui vont téléphoner pour régler vos problèmes. Donc ne le manquez pas, mardi soir, 21h, Faut pas abuser sur D8 que j'aurai l'honneur d'animer. Et demain, tous les avocats ici à la radio autour de moi pour répondre à toutes vos questions. Émission spéciale, vous serez là aussi en direct. Maxime, tu peux sortir de sous le lit, s'il te plaît? Allez, on doit y aller, mon chéri. Oh non, j'ai pas fini mon dessin animé. Plus de 3000 chambres familiales, 3 à 4 personnes, tout confort, partout en France. B&B Hôtel, venez pour le prix, restez pour tout le reste. Et avec les B&B Break et Early B&B, profitez d'offres allant de moins 15 à moins 20% sur tous vos séjours des week-ends et vacances. Voir conditions sur hotelbb.com. James Bond 007, l'exposition événement enfin en France. Aston Martin, costumes, gadgets, croquis, photos de tournage, objets originaux. Venez découvrir plus de 500 pièces exceptionnelles. James Bond 007, l'exposition actuellement à la Grande Halle de la Villette à Paris. Avec TF1 et RTL. Et voilà le bijou dont je vous parlais. Grand volume intérieur, tout confort pour une famille. Et c'est orienté plein sud. Ah bah, nord-sud, est-ouest, c'est comme vous voulez. Ah, j'adore. Et le prix? Ah bah, vous allez l'adorer aussi. En ce moment, profitez de la Nissan Pulsar avec une reprise Argus plus 4500 euros. Remise 1500 euros et reprise véhicule condition Argus plus 3000 euros pour commande Nissan Pulsar 9 sauf Visia et série spéciale ou limitée. Jusqu'au 30 septembre chez les concessionnaires participants. Nissan, innovez autrement. Que vous dire? Sinon, merci mes amis, merci de nous écouter chaque jour aussi nombreux. Vous êtes près d'1 300 000 à nous écouter, ce qui fait de cette émission l'émission la plus écoutée de France. Ça ne durera peut-être pas, mais on en profite et on vous dit merci. Maître Fellonneau était l'avocate de l'émission. Merci à vous, Julien. Voilà, c'était très agréable de vous avoir. Sympa, ouais. Hervé Pouchol était le négociateur, c'était très sympa également. Merci à vous, c'était sympa. Et puis il y avait toutes les équipes d'Alain Hazard, avec Marie, avec Sarah, avec Germain, une mise en scène... Car on ne parle plus de réalisation à ce niveau-là. C'est de la mise en scène radiophonique de Xavier Kassovitch. Bravo. C'est Stéphane Bern qui arrive dans quelques instants. Vous êtes sur RTL. C'est l'heure maintenant des infos. Ai-je besoin de vous dire qui va les présenter? Je vais devoir passer un été long et douloureux et attendre qu'elle revienne. Pour que je la voie fin août. Il est 11h. Les infos avec Olivia Loret. Rebonjour Julien, bonjour à tous. 15h15, dernier délai accordé aux députés pour déposer une motion de censure contre la loi travail. Autrement, le texte sera adopté. Hier, Manuel Valls a brandi le 49-3, 10 minutes seulement après l'ouverture des débats à l'Assemblée nationale. Selon nos informations, les frondeurs de gauche auraient 56 signatures sur les 58 nécessaires. Le 26 juillet prendra fin l'état d'urgence, sauf incident pendant le Tour de France. Le pays sortira donc de l'état d'exception mise en place depuis les attentats du 13 novembre. C'est une information RTL. Qui sera le candidat des Verts pour la présidentielle de 2017? En tout cas, ce ne sera pas Nicolas Hulot. L'écologiste l'a annoncé hier. Il ne se lancera pas dans la course et souhaite poursuivre son combat à travers sa fondation. Et c'est la question du jour d'RTL Midi. Regrettez-vous que Nicolas Hulot ne soit pas candidat à l'élection présidentielle? Donnez-nous votre avis au 3210 ou sur notre site internet rtl.fr. En Afrique du Sud, le verdict vient de tomber. Le champion paralympique Oscar Pistorius est condamné à 6 ans de prison ferme pour le meurtre de sa compagne Riva Steenkamp en février 2013. L'accusation demandait 15 années de réclusion. Il avait raconté avoir été blessé à l'arme blanche par deux personnes criant « Allah Akbar ». Un gérant bénévole des Restos du Cœur de Montreuil en Seine-Saint-Denis est en garde à vue. Il est soupçonné d'avoir menti sur cette agression. En l'absence de témoins, les enquêteurs avaient appelé à la plus grande prudence. Najat Vallaud-Belkacem l'assure, il n'y aura pas d'augmentation des droits d'inscription à l'université en septembre. Ce sera la deuxième année consécutive. Dans le même esprit, la ministre de l'Éducation promet un gel du montant des cotisations de sécurité sociale étudiante. Tour de France 2016. RTL Tour de France 2016. Cinquième étape, départ Limoges, direction le Lioran dans le Cantal. Premier coup de pédale en montagne, 216 km et 6 difficultés. Départ dans moins d'une demi-heure à suivre évidemment sur RTL. Partagez la passion du vélo et encouragez vos champions avec Direct Energy, fournisseur d'électricité et de gaz. RTL. Et il y aura aussi du tennis cet après-midi. Deux Français sont en quart de finale à Wimbledon. À partir de 14h, Joe Wilfried Tsonga affronte Andy Murray. Lucas Pouille tentera de battre Thomas Berdych. Et puis du foot, évidemment. L'équipe de France a quitté Clairefontaine ce matin pour Marseille avant la demi-finale face à l'Allemagne. Demain, ce soir, c'est Portugal-Pays de Galles à Lyon. Coup d'envoi à 21h. La préfecture du Rhône vous demande d'arriver très tôt à la fanzone de la place de Bellecour. Au moins 2 heures avant le match, car depuis le début de la compétition, la fanzone est saturée. Les courses sont à Vichy. Les pronostics de Bernard Glass, le 10, le 8, le 7, le 9, le 5, le 4, le 13 et le 6. Dernière minute, le 7. On garde le meilleur pour la fin. Le soleil arrive enfin sur la moitié nord de la France, même s'il aura du mal à réchauffer l'atmosphère en Bretagne et en Normandie. Il sera bien présent partout et pour toute la journée. Dans le sud, les conditions restent estivales et ça va durer jusqu'à dimanche au moins. Les températures, 16 degrés à Cherbourg, 19 à Brest, 21 à Lille et à Bayonne, 24 à Paris, 29 à Lyon, 30 à Marseille et 35 degrés à Nîmes. Vous écoutez RTL, il est 11h03, tout de suite à la bonne heure avec vous Stéphane Bern. RTL. Citroën, bonjour. Oui, bonjour. J'ai envoyé un bâton à mon chien et avant qu'il me le rapporte, je me demandais si j'avais assez de temps pour venir chez vous avec ma vieille voiture et repartir en Citroën. Le chien, quelle race? Un basset. Vous êtes large. Eh ben j'arrive. Avec les départs immédiats Citroën, profitez de 5000 euros de prime sur Citroën C4 avec climatisation, navigation tactile et assistance 7 ans. Disponible immédiatement en concession. Citroën. Offre sous condition de reprise d'un véhicule d'occasion hors vitamine, valable jusqu'au 31 août dans la limite des stocks disponibles. Équipement selon version, détails sur carstore.citroën.fr. Oh, le miroir, c'est pas moi ça. 10 kilos de trop. Faut vraiment que je les perde, ça ne me va pas du tout. Je me sens pas bien, j'ai plus envie de rien. C'est pas bon pour moi, je le sais, je le sens. Mais comment faire? Écoutez Isabelle, faites comme j'aime. Vous allez perdre vos 10 kilos. C'est facile à suivre, vous recevez chez vous de vrais repas, bien équilibrés, c'est bon et aucune sensation de faim. Vous allez perdre vos 10 kilos, je vous le garantis. Appelez le 0800 507 507 et bénéficiez d'un mois gratuit. En plus, en cadeau, une ceinture vibrante amincissante. 0800 507 507, un mois gratuit. Appel gratuit depuis un fixe. À la bonne heure. Sur RTL, le best-of. Stéphane Bern. Bonjour, bonjour à tous, bonjour Patrice Carmouze. Bonjour. Alors on continue et bien dégrainer nos souvenirs en quelque sorte de cette saison d'À la bonne heure avec trois personnes aujourd'hui, François Damiens, Julie Depardieu et Jérôme Commandeur. Alors François Damiens, on commence par lui, on l'a connu.